abantu bagendana ubumuga bafise ingabire zitandukanye zoterera mu iterambere aho ni mu gihe baba bahawe ikibanza mu miryango boroherejwe mu kibano mu mibereho yabo eka mbere no mu ntwaro kuko barashoboye UPHP. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous. Nous sommes le 2 décembre 2022. Voici les grands titres de ce journal. Plus de 240 nouvelles cartes de pression ont été remises aux responsables des médias. Près de 1000 dossiers avaient été introduits auprès du Conseil national de la communication. La catégorie des stagiaires, pigistes et bénévoles n'ont pas droit à ce document. Explication dans ce journal avec la présidente de cet organe de régulation de la presse au Burundi. Et plus de 3 hectares de champs de différentes cultures ont été détruits sur la colline Nyambouye de la commune Isale en province de Bujumbura. C'était dimanche dernier. Une famille voisine dans le collimateur. Reportage à suivre. Et des vendeurs de vin de banane qui s'approvisionnent en province Cibitoke ont fait grève ce matin. Ils protestent contre les tricheries de certains de leurs collègues. Et dans la chronique environnement, nous vous proposons une rediffusion sur les avantages de l'utilisation du gaz à la place du charbon. Voilà pour le sommaire. La radio de l'avenir. Rebonjour. Plus de 240 nouvelles cartes de presse ont été remises aux responsables des médias sur à peu près 1000 dossiers qui avaient été déposés pour confection. Les détenteurs de cette carte auront des facilités dans leur travail de recherche de l'information, selon la présidente du Conseil national de la communication. Dans un point de presse animé ce vendredi, Vestine Nahiman a appelé les journalistes à en faire un bon usage car elle est considérée comme une clé qui va ouvrir plusieurs portes. Nous remercions et félicitons les responsables des médias qui ont répondu de façon spontanée à l'appel lancé par le CNC sur ce processus de confection de la nouvelle carte de presse. En même temps, nous encourageons aux journalistes qui viennent d'être choisis parmi beaucoup de gens qui aspirent à pratiquer le métier, mais qui n'ont pas quand même la qualité de journaliste. Et qui ont été mis de côté, mais que les journalistes pratiquants, professionnels, viennent de recevoir ces cartes, faire de bon usage. La carte de presse que nous venons de distribuer, c'est une, je dirais, comme une clé qui va ouvrir beaucoup de portes. De là où les journalistes détenteurs de cette carte vont pouvoir se diriger et se rendre pour la couverture médiatique des événements du pays. Dans nos registres, nous avons à peu près 1000 cartes demandées pour les journalistes. Et malheureusement, la plupart ne sont pas venues très rapidement, raison pour laquelle aujourd'hui nous venons de distribuer que 248 cartes seulement. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes confiants que d'ici mardi, toutes les cartes déposées seront déjà imprimées. On pourra procéder à la remise des cartes bien finies aux responsables des médias qui ont déposé les demandes. La présidente du CNC a également précisé que bien que la catégorie des stagiaires pigistes et bénévoles n'ont pas droit à une carte de presse, ils pourront toujours bénéficier des formations dont ils auront besoin auprès des différents organes de presse pour se familiariser au métier. Les organes des médias, c'est comme des maisons d'apprentissage. Et les enfants qui grandissent aujourd'hui, qui terminent les études aujourd'hui, ont besoin des stages pour pouvoir aspirer, à accéder au niveau de professionnalisation. C'est normal que les bénévoles, les pigistes, les stagiaires qu'on sort pourront continuer à bénéficier de ce genre de prestations, hormis qu'ils n'auront pas qualité de bénéficier des cartes de presse, comme le c'est prescrit par la loi régissant la presse au Burundi. C'était la présidente du Conseil national de la communication CNC, Vestine Nahimana, dont les propos ont été recueillis par Francine Ndihokugayo. 13h01 à Bujumbura. Ce journal se poursuit. Cette chambre se trouvant sur une superficie de 3 hectares et contenant différentes cultures dont le haricot ont été détruits sur la colline Inyambouye de la commune Issalé en province de Bujumbura, c'était dimanche dernier. Leur propriétaire soupçonne que les auteurs seraient une famille qui convoitait ces parcelles, une accusation que nie Zakari Nzikiriza, chef de cette famille. Les élus locaux appellent ces deux familles à régler l'affaire à l'amiable. Un reportage de Mère Douayo. Munamaze kurandurira interagire nkuko babona nta rukundo abagufite bagomba kukwica. Ikikwiriye nuko nanone centare yoyibata kibirirako. Ces champs détruits sont en nombre de ceti. Il y était cultivé du maïs, patate douce, du manioc et des haricots. C'est une propriété familiale partagée par 12 ménages. Ces derniers estiment que les conflits fonciers seraient le mobile de cette destruction qu'ils qualifient de méchante. Ce sont des conflits fonciers qui sont à la base de cette destruction. La justice nous a remis ces parcelles, mais la famille de Ndikiriza Zakari continue à nous menacer en détruisant nos champs. Des voisins témoignent les faits. C'était dimanche vers 9h. Nous avons vu des gens s'activant dans les champs. Nous avons constaté qu'ils détruisaient des champs de haricots et de colocases. Nous n'avions pas les moyens pour intervenir. Un des membres de cette famille avoue de traumatisme vu la situation conflictuelle sur cette propriété. Je suis traumatisé par cette situation. Nous avons beaucoup investi dans ces cultures. C'est vraiment décourageant. Contact à propos, Zakari Nzikiriza, qui est pointé du doigt, ni les faits. Destruction des champs, je n'en sais rien. Ces conflits fonciers remontent de 1976 et c'est pour la première fois qu'une situation pareille se produit. Ce sont des mensonges. En peu de mots, ils disent que je n'ai pas gagné le procès, mais j'ai interjeté l'appel. J'attends le ressort. L'administration à la base reconnaît la situation. Espérance Ndaisenga, un des élus locaux, plaide pour le secours des autorités hiérarchiques. Les propriétaires de ces champs nous ont fait part de ces destructions. Lors de notre constat, l'administration nous a demandé de lui fournir le rapport. Nous étions au courant de ces conflits fonciers et nous avons su que le tribunal a attribué ces parcelles à la famille Dombanza. Ce qui est désolant, c'est qu'on ait détruit leur culture. Ce champ, qui fait objet de conflits, est sur une superficie de plus de 3 hectares. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Un montant de 75 000 euros a été utilisé par l'Union européenne dans le cadre du financement des projets du secteur de l'environnement, développement rural et nutritionnel au cours des 5 dernières années. Déclaration faite ce vendredi à Ngozi par l'ambassadeur de l'Union européenne lors d'un atelier de planification stratégique entre le ministère en charge de l'environnement et l'équipe Europe. Claude Bossu se réjouit des réalisations déjà faites. Comme vous le savez déjà, l'Union européenne et ses États membres présents au Burundi ont toujours accordé une grande priorité à l'appui au secteur de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement. Au cours des 5 dernières années, l'Union européenne seule, sans ses États membres pour sa part, a financé des projets dans le secteur de l'environnement, du développement rural et nutritionnel pour un montant de 75 millions d'euros. C'est substantiel et cela s'ajoute bien entendu au financement direct de certains des États membres de l'Union européenne dans ces mêmes secteurs. Hier, en compagnie des hauts cadres du ministère, nous avons eu le plaisir de visiter certaines réalisations de 2 projets dans les provinces de Kianza et de Ngozi qui sont pertinents pour les 3 secteurs de votre ministère, agriculture, élevage et environnement. Je me plais à souligner que ces réalisations que nous avons visitées aujourd'hui, début du mois de décembre 2022, sont toujours en cours, en plein développement, puisque nous avons compté les 3 chefs d'entreprise, mais le projet lui-même s'est terminé, son financement s'est terminé en juillet. Donc il y a bientôt 6 mois que le projet dure et continue à se développer. Claude Bossu, ambassadeur de l'Union européenne au Burundi, la protection du patrimoine foncier étant l'un des domaines prioritaires d'intervention du ministère en charge de l'environnement lors de cet atelier de planification stratégique entre ce ministère et l'équipe Europe ce vendredi à Ngozi. Dr Sanctus Niragira a précisé que ces domaines permettent d'accroître la productivité. Suivez-le. Dans l'objectif de contribuer à la sécurité alimentaire, le Miniagri a défini les domaines d'intervention afin d'augmenter la productivité agricole. Et ces domaines sont les suivants. D'abord, la protection du patrimoine foncier et de l'environnement, le traçage de courbes de niveau et la production des plants, la protection des sources d'eau, la stabilisation des berges et des rivières et des lacs, la gestion rationnelle des déchets. Deuxièmement, il y a l'intensification de la production. Là, on sous-entend à la disponibilisation des intrants et équipements agricoles et d'élevage performant. Troisièmement, il y a le développement des centres de rayonnement agricole et l'accompagnement des coopératives des producteurs. Et puis ensuite vient la promotion des centres nécessaires pour l'élevage, puis la promotion de l'irrigation et de la mécanisation agricole, et la promotion de la culture en serre et l'encadrement rapproché et le renforcement des capacités des services de végétalisation. Enfin, la valorisation de la production pour essayer d'atténuer la problématique des pertes post-récolte. Il est 13h08 à Bujumbura et sur Isanganiro, on marque une courte pause et ce journal se poursuit. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Validation du plan cadre de coopération pour le développement durable entre le gouvernement et les Nations Unies. La nouveauté étant que le Burundi passe d'une approche assistance à l'approche coopération. En effet, cette fois-ci, le Burundi pourra planifier ses propres projets et les soumettre au système des Nations Unies, alors que c'était le cas inverse. Les ministres en charge des affaires étrangères l'ont annoncé ce vendredi après une réunion à huis clos avec les représentants des Nations Unies. Et les commerçants de vin de banane regroupés dans la coopérative CoVVB, basée à Bujumbura Mairie et Gihanga, ont fait une manifestation ce vendredi matin. Ils se lamentent contre certains membres qui transforment ce vin de banane en boisson prohibée en mélangeant ce vin avec d'autres produits. Ces commerçants étaient tous assis sur le terrain de jeu de Kagwema en commune Gihanga avec beaucoup de véhicules de type Fuso chargés de fûts vides. L'administrateur de la commune Mugina, où il s'approvisionne, dit être au courant de ce problème et leur a demandé de continuer leur travail. Dans le reste de l'actualité internationale, avant la chronique sur l'environnement, le Vatican a annoncé jeudi 1er décembre que le pape François se rendra en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud du 31 janvier au 5 février prochain. L'annonce de ce voyage apostolique aux deux pays était très attendue car il aurait dû se dérouler au mois de juillet dernier mais avait été repoussé en raison des soucis de santé du souverain pontife. Et le sort du président sud-africain Cyril Ramaphosa mobilisé jeudi toutes les attentions au lendemain de la publication d'un rapport affirmant qu'il a pu commettre des violations et des fautes dans le cadre d'un scandale autour d'un cambriolage qui l'empoisonne depuis des mois. En effet, d'importantes sommes d'argent en liquide ont été retrouvées dans une des luxueuses propriétés du président sud-africain qui a fait fortune dans les affaires avant de revenir à la politique. Les hauts responsables du parti historique au pouvoir en Afrique du Sud, l'ANC, dont Cyril Ramaphosa et le président, se réunissent en urgence ce vendredi pour discuter de sa situation. Enfin, au Sénégal, les législateurs ont échangé des coups et jeté une chaise au Parlement sénégalais jeudi en raison d'une insulte perçue à l'égard d'un influent chef religieux pro-opposition. Un député de l'opposition a giflé la législatrice Amine Diaye pour ses remarques. Selon des images diffusées à la télévision et sur les médias sociaux, certains membres de la coalition gouvernementale ainsi que des militants féministes ont fustigé l'agression physique de Madame Diaye qui coïncidait avec une campagne de sensibilisation à la lutte contre les violences faites aux femmes et filles. Place maintenant à la chronique environnement. Radio Isanganiro, chronique environnement. Je l'avais annoncé dans les titres, nous parlons de l'utilisation du gaz et du foyer amélioré dans la cuisson qui peut favoriser la protection forestière. Analyse d'un environnementaliste, le professeur Jacques Nguengroutse. Selon lui, le nombre d'arbres abattus pour le bois et le charbon de chauffage serait réduit. Les détails avec Vestine Boutoyi et vous êtes prévenus, c'est une rediffusion. La réserve forestière a une grande importance parce qu'elle permet d'avoir un bon air pour la respiration et elle favorise les précipitations. Elle est également utile pour la construction. Cependant, cette réserve est menacée par les activités champêtres et l'abattage des arbres pour bois et charbon de chauffage. Alors, sa protection s'avère nécessaire compte tenu de son importance. Un expert environnementaliste et professeur à l'Université du Burundi propose des méthodes de lutte contre la déforestation, dont l'intensification de l'agriculture. Si on intensifie l'agriculture, au lieu de produire une tonne par hectare, par exemple, on produit 10 tonnes par hectare, on a contribué à préserver la forêt, donc à lutter contre la déforestation. Une autre chose, Jacques Nguengurutse propose l'utilisation d'autres sources d'énergie comme le gaz pour la cuisson. Il y a plusieurs contributions et je voudrais donner ici la contribution d'utilisation d'autres énergies. Adopter l'énergie à base de gaz au lieu du bois. Il faut d'abord remarquer alors qu'au Burundi, en fait, les grandes villes, je pourrais dire Bujumbura ou Gitega, c'est parmi les rares villes du monde où on utilise encore du bois ou charbon de bois. Sinon, les autres pays utilisent le gaz ou utilisent quand même l'énergie hydroélectrique. Et alors là, ça veut dire que, par exemple, le Bujumbura qui a environ ou même plus 1,5 million d'habitants, si par exemple 1 million d'habitants de Bujumbura utilisaient le gaz, ça pourrait contribuer à la préservation des forêts. Néanmoins, cet enseignant chercheur à l'Université du Burundi déplore que l'utilisation du gaz n'intéresse pas la plupart de la population burundaise suite à l'ignorance. Il faut d'abord remarquer alors qu'au Burundi, en fait, les grandes villes, je pourrais dire Bujumbura ou Gitega, c'est parmi les rares villes du monde où on utilise encore du bois ou charbon de bois. Sinon, les autres pays utilisent le gaz ou utilisent quand même l'énergie hydroélectrique. Et alors là, ça veut dire que, par exemple, le Bujumbura qui a environ ou même plus 1,5 million d'habitants, si par exemple, 1 million d'habitants de Bujumbura utilisaient le gaz, ça pourrait contribuer à la préservation des forêts. Pour préserver la réserve forestière, il faut qu'il y ait une sensibilisation sur l'utilisation du gaz, du fait que les recherches faites ont révélé que plus de 90% de la population burundaise exploite une seule source d'énergie qu'est le bois. Vestine Woutoui avec le professeur Jacques Nguengurutse. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à le réaliser. À la présentation, Jean Bosco Nduimana. Passez un très bon après-midi.